Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 Boulevard Walberg, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. Dernière chronique, c'est la dernière chronique du club de golf de Saint-Prime avec Martial Bouchard, le président du club de golf. Qu'est-ce que ça fait un peu le bilan? Hier, ils se sont réunis avec le conseil d'administration pour faire le post-mortem. Et, est-ce que ça va bien? On en parle avec le président Martial Bouchard. Salut Martial! Bonjour. Martial, dans l'ensemble, le club de golf, est-ce que ça va bien? Oui, on a passé une excellente saison. On a presque finalisé tout ce qu'on voulait faire là, au plan de travail au début de l'année. Il nous reste encore quelques petites transformations à faire cet automne, là, notamment le verre du trou numéro 11, quelques travaux, mais dans l'ensemble, tout a bien été. On a eu un mois d'août, par contre, un mois de septembre, qui nous ont permis de sauver une saison qui a commencé de façon très boiteuse. OK, c'est incroyable. Ça avait mal commencé, because l'année, que tu sais, la température, puis il y avait eu les verres aussi. Il y avait eu un problème sur les verres aussi, d'un genre de... Ouais, ce problème-là était quand même... éradiqué assez rapidement. Ça pas nuit à la saison comme telle, parce qu'il faisait pas beau, donc la saison n'était pas vraiment commencée. Mais les employés ont fait un excellent travail, puis les verres sont revenus beaux dans le temps de dire. Okay. Ça fait que c'est vraiment la température. Puis en plus, une mauvaise température, ça fait que c'est en début de saison, il y a des membres qui se demandent, vas-tu rentrer, vas-tu me prendre un forfait, vas-tu rentrer? Mais là, quand ça fait deux mois qu'il fait pas beau, ben, la personne décide de ne pas rentrer, ce qui fait qu'au membership, là, cette année, on est en bas de nos prévisions un petit peu. En bas de nos prévisions, mais plus de parties green fee qui est plus payant. Oui, il y a des journaliers un petit peu plus qu'on avait prévu. On a dépassé le budget de ce côté-là. Mais quand même, là, tu sais, on va quand même... on a un 20-25 000 de revenus là, qu'on aurait pensé avoir, qu'on n'a pas eu cette année. Hein, l'écart avec le budgété. OK. Donc, est-ce que c'est quand même... mais je veux dire, c'est quand même assez payant. Mais je reviens à l'histoire des bactéries sur les verres. Ça avait été pris l'an passé. On me dit que c'est l'hiver, là, que peut-être qu'on couvre mal les verres, et ainsi de suite. Certainement qu'on va travailler là-dessus pour pas que ça se reproduise l'an prochain. Oui, ça, il faudrait parler au surintendant là, du terrain, parce que moi je me mêle pas beaucoup des opérations, mais je pense qu'il y a des années comme ça, il y a des maladies qui sont latentes, des maladies qui ressortent durant l'hiver. Okay. Fait que bien souvent, on a les résultats de nos verres là, deux ans après qu'on ait fait les traitements. Fait que c'est embêtant, hein. C'est de la nature. Hein. Ben oui, c'est sûr. Martial, si on y allait maintenant avec toutes les activités dans l'ensemble, est-ce que c'est, je veux dire, l'agro Weekend Golf, qui est la méga activité là, intéressante, est-ce que ça, c'est dans l'ensemble, là, toi, je sais que tu es un comptable, tu es un directeur de caisse, donc les chiffres, là, tu connais ça. Toi, ce que tu regardes, c'est le net, c'est pas ce qu'ils ont fait au début. Est-ce que ça, c'est un exercice qui en vaut la peine? Le comptage, je parle au comptable. Je pense que oui, ça en vaut la peine. Par contre, c'est sûr que dans la période où on le fait, c'est une période de gros achalandage, c'est qu'on aurait été quand même capable, là, avec les journaliers puis les droits de jeu qu'on vendait, c'est ainsi de faire autant d'argent. Sauf que c'est une activité qui était prisée, c'est une activité qu'on a faite pour montrer que le club est en santé, montrer qu'il y avait un redémarrage, on voulait que je vienne nous visiter. Ce qui fait que le Weekend Golf, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour annuellement. C'est toujours un questionnement qu'on fait au mois de janvier, puis on décide, bon, qu'est-ce qu'on fait, quelle activité on va faire. Donc, c'est une activité qui, pour être connue, c'est très bon, mais pour la rentabilité, on est capable d'avoir des produits complémentaires qui vont nous donner une aussi grande rentabilité. Mais en autant que ce soit, ça se paye. C'est ça qui est, en autant que ça se paye, parce que c'est quand même pas mauvais, là, à la limite, là. Ouais, c'est sûr que ça coûte rien au club. Par contre, tu sais, qu'il y a des journées qu'on a eu quand même des éléments sur le terrain, là, au niveau des briques d'équipement ou quelque chose de même, qui fait que des fois, tu te dis, bon, le jeu en vaut-il la chandelle, là. On a toutes sortes de questions. Il faut faire un post-mortem à toutes les années et à toutes les activités pour voir est-ce qu'on répète ou on répète pas. Mais c'est sûr et certain qu'on sait que le minimum s'imprime va rester là. Ça, c'est bien sûr. Les dates sont pas encore définies, mais ça, je pense que c'est quelque chose que les golfeurs attendent avec impatience. Est-ce que genre Fête du Canada, c'est-tu quelque chose d'envisageable? Plus ou moins. Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien de Fête du Canada. Je me trompe-tu? Oui, sauf que souvent, c'est ce que les personnes en profitent pour éviter l'extérieur, faire des activités en famille, une fin de semaine de 3 jours. Donc, pas nécessairement le meilleur timing, mais tout est à évaluer, à décider. Donc, on va faire ça au lac à la peau là, au début de l'année 2018. Et puis, on vous donnera des informations. Vos terrains, comment que c'est tout vendu, cela, là? On passe à un autre appel, j'imagine? Oui, actuellement. Ah, il était tout vendu, là. Malheureusement, il y a eu une cancellation. Donc, il nous reste encore un terrain présentement à vendre. Okay. Donc, on peut dire, là, qu'il n'y a aucun problème, là. On est capable de supporter ce terrain-là, là, pour les prochains mois, sans problème. Sur quoi qu'on va travailler au cours des prochains? Ben, là, il reste encore. Ben, faut travailler, là. Faut attendre que Golf Québec nous donne nos ratings de terrain là, au niveau de. Ils sont venus visiter là, puis on attend toujours par leur rapport pour savoir un petit peu la slope pour pouvoir commencer à refaire nos cartes, refaire nos designs. Après ça, on a quelques trappes aussi là à améliorer puis à refaire une manicure. Donc, c'est pas mal les progrès là, les plus importants. On veut aussi faire une beauté sur notre terrain de pratique. Okay. Pour le driving range, en fond, là, pour que les gens soient capables d'être encore plus précis. On veut probablement faire quelques petits verres là, que les gens vont pouvoir essayer d'atteindre là, en pratiquant. Donc, toutes des petites améliorations comme ça là, qu'on a dans le collimateur pour la prochaine saison. Peut-être allonger quelques trappes de sable aussi pour rendre nos parkings un petit peu plus difficiles. Donc, ça reste à établir. Là. On est en période budgétaire. Là, parce qu'on évalue le coût des travaux. Parce qu'on va donner le go-no-go là, à la prochaine rencontre là, après l'Assemblée générale des membres qui va avoir lieu vers le milieu de décembre. Est-ce que vous pourriez améliorer un petit peu du côté votre chalet, le rendre plus rentable, plus accessible? Je sais qu'il y a de la compétition. Il y a beaucoup, beaucoup de compétition, je le sais. Il y a quelques années, Lucien Boivin, ça n'a pas rapport avec le golf, mais ça a un lien à quelque part. Là. Lucien Boivin avait amené un genre de congrès pour les mines au chalet de Saint-Prime. Ouais. Est-ce que ça... regards vers le nord. Ouais. Puis ça, j'ai su que jeudi, il y avait une grosse activité à Roberval, à l'hôtel à Roberval, l'hôtel Château Roberval. Oui, l'hôtel Jardin. Puis il y a également des activités qui sont prévues au club de golf sur Naturalia. C'est une rencontre de tous les gens qui sont dans les secteurs primaires, là, donc ressources naturelles. Donc vous allez ressortir, vous allez avoir de l'argent là-dessus, vous allez avoir des rebonds de ça quelque part, là, parce que là c'est très gros à Roberval ce qui se passe là, jeudi. Oui, c'est gros, sauf que c'est pas quelque chose que financièrement pour nous est très important. Là, on y va plus comme convenance, mais le chalet ça a toujours été un dossier où on regarde les opportunités, puis si on pouvait l'utiliser, maximiser. On est ouvert à même partager des locaux avec certains organismes. Puis évidemment qu'on fait beaucoup de soirées, mariages, activités corporatives, mais te dire que c'est un très gros problème, je dirais non. Le gros problème, c'est que on est parti de 300 membres à 125 membres. C'est ça qui est le gros problème. Non, mais pas le chalet en tant que tel. Martial, oui, effectivement. Moi, ce que je remarque, c'est que, regarde, je fais des chroniques avec Chibougamau, puis heureusement qu'ils ont le fameux chalet, parce que je te dis qu'il y aurait de la misère. Est-ce qu'il y aurait moyen? Je sais que c'est pas pareil du tout, là, parce que du côté de Chibougamau, ils sont les seuls, tandis que Saint-Prime, vous avez Saint-Félicien, vous avez Roberval, vous êtes entouré de salles. Est-ce qu'il y aurait quand même moyen de pousser ça davantage? Ben, je pense qu'on le fait actuellement presque au maximum qu'on peut là, pour ce qui est des cérémonies, puis des rencontres, puis etc. Par contre, évidemment, si on peut s'organiser avec un autre promoteur pour qui pourrait utiliser les espaces qui sont disponibles, évidemment, on est ouvert. Puis on a dû explorer ça à certains endroits. Ça posait pas de faire, mais on est toujours à l'affût de... Ben oui, OK. Mais effectivement, que plus qu'on va être plusieurs à partager des coûts, plus ça va être facile pour le club, évidemment. Bonhomme, maintenant, comment vous louez de vous faites de mariage et ainsi de suite par année, hein? Ah, écoute, okay. C'est très fluctuant, là, mais on peut dire qu'il y a quasiment une activité par semaine, à peu près, là, qui se fait, là. Pas une semaine des mariages, mais en compte corporative, etc. Là. OK. Et il y a-tu Alors, en saison. OK. À un moment donné, c'était une ancienne administration. Il y avait comme projet, à un moment donné, de virer ça en l'hiver en centre plein air. Est-ce que ça, c'est les tablettes, on n'en parle plus ou... Oui, ça a été exploré aussi. Par contre, c'est pas un immeuble qui est fait nécessairement pour, pour l'hiver. Donc, ça amènera encore des coûts supplémentaires. Par contre, dépendamment du partenaire. Si c'est un partenaire qui a une capacité financière, à ce moment-là, tout est possible. Du club de Motonnet ou du club de même, oui, il y a toutes sortes de fausses possibles. Par contre, il faut faire attention parce qu'on est quand même sur un terrain de golf. Mais on n'est pas dans un terrain vague. Là. OK. Ben, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Pas mal de fun de collaborer avec une gang. Toi, tu reviens l'an prochain, c'est sûr? Oui, effectivement. J'ai deux administrateurs, je pense qu'ils ne reviennent pas. OK. On va les remplacer, mais oui, moi je suis là, Gilles Larouche va être là, puis je pense qu'il nous reste encore des belles choses à accomplir. Ben, il reste certainement. Ben voilà, donc c'était le président du club de golf de Saint-Prime, Martial Bouchard, c'était une commandite de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime.